Ce vendredi à l'affiche en BD. Questions sociales, pression de la performance, culture du viol et commentaires BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Et cette semaine, on explore des bandes dessinées à thématiques quand même très fortes, des bandes dessinées très fortes également, de factures non traditionnelles, dans le fond, des histoires, des récits qui ne sont pas en cases, en planches, mais plutôt dans des visuels plus épurés peut-être, plus design aussi à certains égards, et des thématiques extrêmement riches, des bandes dessinées dont on avait envie de vous parler, d'ailleurs, notamment fait Mélodie Vachon-Boucher et ses trois carrés de chocolat du côté de Mécanique Générale, un livre extrêmement fort, extrêmement touchant, extrêmement poignant, à la fois doux et violent, alors où elle raconte, dans le fond, les trois viols qu'elle a subis au fil de sa vie, comment elle a réussi à y survivre, surtout, donc une histoire de résilience également, un témoignage, je redirai le terme, un témoignage extrêmement fort, à mon sens, alors un récit dont j'avais envie de vous parler. C'est un tout petit livre en plus. Si vous avez l'occasion de le croiser en librairie, vous savez un peu de quoi je parle. Donc, très court, très bref, des termes très précis. Alors, beaucoup d'éléments. Est-ce qu'on veut dire qu'on pourra discuter avec l'auteur tout à l'heure? Ce sera en deuxième partie d'émission. Mais déjà, d'emblée, je vous le dis, c'est un livre que je vous recommande sans réserve. Par ailleurs, autre ouvrage du côté des éditions, somme toute, l'édition sœur, si on peut dire, de Mécanique Générale. Alors, Catherine Lepage, qui après Fine tranche d'angoisse, après 12 mois sans intérêt, nous revient avec un livre à caractère peut-être un brin introspectif. Après nous avoir parlé de dépression, après nous avoir parlé d'angoisse, et bien maintenant elle nous parle de pression de la performance, de souci de la performance, et surtout puisque ce livre-là a un côté très guide, accompagnement, mais comment s'en défaire, comment essayer de se retirer un peu de cette pression de performance qu'on supporte tous et toutes, je pense. Alors, en fait, elle n'est pas unique, je ne suis pas unique, j'imagine que c'est la même chose de votre côté, ou du moins d'une partie d'entre vous. Un livre aussi très ludique, avec beaucoup d'illustrations cocasses, absurdes. Alors, ça donne un ouvrage qui est assez surprenant et qui se distingue joyeusement d'autres ouvrages du genre par bien des façons. On en parlera avec Catherine Lepage dans quelques minutes d'ailleurs. Alors, ça, c'est nos deux entrevues cette semaine. Sinon, en fin d'émission, il y aura Marco Duchesne également qui sera avec nous pour nous partager ses commentaires BD. Dans l'actualité cette semaine, mais tout d'abord, je mentionne en fait une belle activité qui s'en vient du côté de Québec à laquelle j'ai le plaisir de collaborer. C'est les 24 heures de la BD à Québec. Donc, on connaît le concept à Angoulême, donc des auteurs qui ont 24 heures pour faire une bande dessinée de 24 planches, couverture comprise, à partir d'une contrainte qui est annoncée quelques minutes après le début du marathon ou juste au début du marathon essentiellement. Alors, l'idée est venue du Festival de la bande dessinée francophone de Québec et de la Maison de la littérature de proposer aux auteurs de Québec et aux auteurs intéressés de la province mais de venir se regrouper pour relever le défi, le faire en mode un peu atelier, en mode collectif, à la Maison de la littérature dans les différents espaces. Alors, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler un petit peu plus longuement la semaine prochaine, mais je le mentionne parce que s'il y a des auteurs, des créateurs BD, que ce soit de la relève, que ce soit des gens qui ont envie de vivre une première expérience du genre ou des auteurs plus établis qui ont envie d'y participer, mais c'est possible de s'y inscrire, mais vous avez jusqu'au 15 janvier pour faire connaître votre intention pour participer officiellement au défi. Évidemment, ce sera possible aussi pour d'autres de s'y joindre en cours de route, on imagine, mais donc pour participer officiellement, c'est jusqu'au 15 janvier que vous avez pour vous inscrire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'Angoulême, eh bien il y a les 10 albums en compétition pour le Fauve d'or qui ont été dévoilés. Alors, les membres du grand jury de cette 44e édition Donc, on se sont réunis le 9 janvier dernier pour établir donc cette liste des 10 albums à partir de la liste des 42 titres qu'on avait mis en ligne sur le blog voir.ca/Raymond-Poirier, entre autres, évidemment aussi sur le site officiel du festival. Alors donc, 10 titres pour lesquels les gens seront invités à voter. Évidemment, le milieu sera invité à voter. Alors, les titres qui ont été retenus, c'est « Ce qu'il faut de terre à l'homme » de Martin Véron, « Shisokabe, tome 4 » de Minetaro Mochizuki, « Histoire croûte » d'Antoine Marchalot, « La légèreté » de Catherine Meurice, « Martha et Alan » d'Emmanuel Guibert, « Mauvaise fille » d'Anko, « Patience » de Daniel Klaus, « Paysage après la bataille » de Philippe de Pierrepont et Éric Lambé, « Shangri-La » de Mathieu Bablet et enfin « Stupor Mundi » de Nejib. Alors évidemment, on en reparlera après le festival pour mentionner les gagnants. Et déjà, quelques controverses toujours autour du festival. Et cette fois-ci, c'est Étienne Davodeau qui lance un peu une brique dans la mare. Alors Étienne Davodeau qui a déclaré dans un message Facebook posté essentiellement en même temps que les délibérations se faisaient, donc le 9 janvier dernier, il a écrit « Je me suis dit que la présence d'un lecteur-lectrice parmi les votants serait une bonne chose. Je donne donc accès à qui les veut, mes accès à ce vote. » Alors, il donne son code, en fait, d'accès pour aller voter. Il dit, regardez, le premier lecteur, celui le plus rapide qui aura voté, c'est celui qui aura mon vote. Alors, ça amène des réflexions par rapport à la valeur que ça risque de donner à ce Grand Prix. Évidemment, l'idée du Grand Prix, c'est que c'est... le milieu qui vote pour l'artiste reconnu, donc le Grand Prix qui est pas la même chose que le Fauve d'Or, là. Je fais la distinction, Fauve d'Or c'est le meilleur album de l'année au festival, le Grand Prix c'est plutôt un prix hommage pourrait-on dire, donc pour reconnaître la carrière, l'envergure d'un auteur, donc l'an dernier c'était Herman qui l'avait obtenu, alors d'autres controverses qui entourent le Grand Prix, et donc on n'en a pas fini, sinon toujours dans l'actualité, je vais rapidement avec des prix qui ont été remis. Alors, l'association Artemisia avait sélectionné 13 albums de bande dessinée pour donc une récompense exclusivement décernée aux femmes. Et on parle de 3 prix qui ont été décernés. C'est la première fois d'ailleurs qu'on offre 3 prix. Donc, le Grand Prix Artemisia a été remis à Céline Wagner pour Frapper le sol. Un hommage à Tatsumi Eju Kata qui a créé le Buto à la fin des années 50 au Japon. Le prix Humour a été remis à Jackie Fleming pour Le problème avec les femmes chez Dargo, un recueil de dessins humoristiques qui retrace avec ironie l'évolution de la femme dans notre société. Le prix Avenir, donc, pour la relève, évidemment, est donné à Chloé Vollmer et Carole Morel pour L'Apocalypse selon Magda. Et enfin, le prix spécial du jury a été offert, lui, à Nicole Augereau pour Quand viennent les bêtes sauvages, une biographie du chanteur haïtien Mano Charlemagne. Sinon, toujours dans les prix, le prix France Info de la meilleure BD documentaire lui a été remis à Jeanne Deuxar pour Love Story à l'Iranienne. Alors, cette bande dessinée est préférée à 8 autres titres qui ont été sortis l'an dernier. Alors, on parle, dans le fond, d'un souhait de la part du jury de récompenser, je cite, « le regard porté sur la société iranienne à travers des histoires d'amour qui sont autant de points de vue sur la manière d'accepter, de contester, de jouer avec les carcans d'une société bloquée. » Alors, je rappelle que dans Love Story à l'Iranienne, deux journalistes européens réunis sous le pseudo Jeanne Deuxar ont voulu comprendre comment les jeunes Iraniens acceptent ou se jouent des interdits qui enferment les sentiments. L'an dernier, ce prix avait été remis à Catharsis de Luz. Et dernier petit clin d'œil, simplement pour mentionner donc les 6 finalistes du prix de la FNAC 2016. Alors, il s'agit de L'Adoption d'Arnaud Monin et de Zidrou, des Brumes de Zappa, de Lolita Séchant, de L'été diabolique d'Alexandre Cléris, de Morgane, de Stéphane Fert et Simon Kansara, de S'enfuir de Guy Delisle et de Shangri-La de Mathieu Bablet. Ça, le prix sera annoncé le 17 janvier prochain. Alors, on imagine qu'on en reparlera la semaine prochaine. Alors voilà pour ces regards. On s'en va maintenant en musique. C'est la formation Altwave qui nous accompagne cette semaine. toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Paré au micro jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble de nos émissions sont disponibles en balado-diffusion sur laviebd.wordpress.com. Et maintenant, on porte un regard. On est un peu en mode rattrapage, en fait, des titres qui ont été publiés au fil de l'automne dernier, des titres cette semaine dont je voulais absolument vous parler. Et je commence avec un premier qui s'agit de Zoothérapie. Donc, c'est le dernier né de Catherine Lepage du côté des éditions Somme Toute. Elle est avec nous, Catherine Lepage. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, au cœur du livre, au cœur de Zoothérapie, c'est un peu la question de performance, la pression qui nous force à essayer de toujours en faire plus, mais peut-être nous faire prendre aussi des chemins qui sont pas nécessairement les nôtres, à la limite à nier presque ce qu'on est ou ce qu'on pourrait être. Est-ce que c'est un peu un résumé viable de votre ouvrage? Oui, c'est un bon résumé. Moi-même, j'ai eu la misère à le définir, puis oui, c'est un résumé assez juste. Moi, mon travail d'auteur, il repose toujours à la base sur de l'introspection, puis c'est ces choses-là, en fait, que je vois beaucoup autour de moi et que j'essaie de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne comme résultat, puis comment on peut essayer de mieux vivre avec ça. Oui, parce que comparativement peut-être à d'autres de vos ouvrages ici, dans Zoothérapie, c'est aussi, j'ai envie de dire, un coup de pied au derrière, en fait, un livre qui vise aussi à nous faire rire, à nous faire sourire, à nous faire réfléchir, mais à nous motiver peut-être à faire les choses différemment. Oui. Ben, il y a effectivement une évolution dans mes livres. Quelqu'un me faisait remarquer qu'il y a une espèce de gradation entre 12 mois sans intérêt, puis une tranche d'angoisse, puis Zoothérapie, du plus dark au plus lumineux. Puis on me demandait si on pouvait faire un parallèle avec ma vie, tu sais, puis probablement que mon cheminement personnel aussi fait que j'ai témoigné de mes difficultés avec la dépression, puis de mes problèmes d'anxiété, puis même probablement que je suis rendue à un niveau où je vis mieux avec tout ça, puis je suis peut-être rendue à être plus capable de mettre le doigt sur c'est quoi les problèmes qui viennent avec le monde dans lequel on vit, tu sais. Oui, puis d'une certaine façon, en fait, le fait peut-être de les avoir, d'avoir confronté des réalités peut-être un peu plus sombres, l'angoisse, la dépression, des avoir réfléchi aussi, ça amène certains constats que d'autres qui n'ont pas nécessairement pris le temps de creuser ces réalités-là ou de se creuser soi-même, dans le fond, ont pu faire. Oui, ça c'est vrai, puis j'ai pas eu le choix, mais c'est vrai que quelqu'un qui a pas de problème, qui tombe pas en arrêt de travail, il va peut-être jamais remettre en question ces choses-là qui le rendent peut-être quand même insatisfait ou malheureux, ou en tout cas peut-être pas complètement malheureux, mais cette impression qu'on a de toujours être à la course, je trouve que ça, c'est important de s'arrêter un peu puis de réévaluer qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Oui, mais en fait, forcer une certaine remise en question, parce qu'effectivement, on peut parfois accepter une petite dose de malheur ou d'insatisfaction en disant c'est normal, il faut que je continue, mais on, justement, c'est un peu ce que vous dites dans Zoothérapie, on n'est pas obligé de continuer finalement. Non, c'est ça. Ben, moi, je prône pour l'introspection, la réflexion, puis remettre en question nos comportements. Pas tout le temps qu'on continue ou en disant que ça n'a pas de bon sens le monde dans lequel on vit. T'sais. Je pense qu'on a une responsabilité aussi de trouver des solutions soi-même pour que ça soit plus agréable à vivre. Et initialement, il y a un côté évidemment, bon, parce que c'est une thématique qui peut avoir l'air en fait d'avoir un côté ésotérique, psychopop, mais justement, c'est une ligne dans laquelle on tombe pas dans Zoothérapie. Est-ce que c'est une préoccupation de pas tomber dans cette ligne-là, mais en même temps, il y a aussi, vous pourrez me dire oui ou non, un petit côté parodique aussi de cette ligne-là dans laquelle on pourrait tomber. Oui, absolument. Je pense que toutes mes livres comme auteur, c'est tout le temps ma crainte de sonner psychopop ou de finir dans la section psychopop des librairies. Puis en même temps, la psychopop, c'est pas 100% mauvais non plus, mais oui, j'en ris un peu. Puis il y a une zone que je franchirais pas aussi parce que ça reste un témoignage personnel. J'ai pas d'appui d'un psychologue qui valide ce que je dis, tu sais, puis je veux pas m'en aller là. T'sais, pour moi, c'est un témoignage. Puis ce que je pense, c'est que en témoignant de façon honnête, c'est qu'il y a d'autres gens qui se reconnaissent dans des situations qui sont tout simplement humaines. Donc, c'est de dire un peu, voici les réflexions que j'ai eues, voici un peu la façon par laquelle, ou le processus par lequel, moi, je me suis remis en question, puis j'ai choisi d'avancer différemment, puis de proposer, dans le fond, au lecteur, tout simplement. Oui. Puis, on parlait d'humour. Pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de moi. Là. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues puis qui cherche toujours à tourner les situations au drôle. Fait que, pour moi, c'est comme essentiel de mettre de l'humour pour que ces propos-là soient moins lourds. Puis, justement, la prise au sérieux est nocive. Là. Il faut être capable de rire de soi. Et le choix des animaux, en fait, je suis tombé, je pense, sur une entrevue où, à un moment donné, tu disais, c'est un peu le terme dompté qui était venu au départ, mais finalement, au fil du travail, c'est s'apprivoiser, donc le lien un peu avec l'animal, de l'apprivoiser, cet animal-là, si on peut dire, qui est venu prendre sens de cette zoothérapie-là. Oui. Puis, mon idée de travailler avec les animaux, c'est tout simplement que je trouvais que j'avais souvent des métaphores avec des animaux dans mon livre précédent. Puis il m'en venait encore plein, puis je me disais, mais c'est quelque chose de vraiment sympathique, puis qui est près des gens. Tu sais, je pense que tout le monde, à voir le nombre de vidéos de chats qui sont partagées sur les réseaux sociaux, puis OK, ça touche les gens. Tu sais, je trouvais que c'était un véhicule intéressant pour communiquer autre chose, ou tu sais, pour parler de sentiments ou de choses qui sont peut-être plus difficiles à aborder si on prend ça trop au sérieux. Là. Oui, en fait, c'est un peu, dans le fond, de trouver l'image, parce que c'est des phrases choc, c'est des images choc dans l'humour, dans le rire, dans le plaisir, mais dans le fond, il y a un côté un peu design, un peu publicité aussi, peut-être, là-dedans, dans ces choix-là. Oui, ça, c'est une déformation professionnelle. Moi, j'ai étudié en graphisme, j'ai travaillé plusieurs années, justement, moi, je viens de Québec, j'ai étudié au Cégep plein de fois, et j'ai travaillé chez Cossette aussi, à Québec, en pub. Fait que j'ai comme grandi, si je peux dire, créativement, entourée de gens qui croyaient en des idées, t'sais, qui croyaient pas juste faire des belles choses, mais qui aient un message, puis qui aient une idée, quelque chose qui va piquer la curiosité ou attirer l'attention parce qu'il se passe quelque chose, tu sais, de plus que juste une belle image. Fait que pour moi, c'est une gymnastique que j'ai développée, une gymnastique de travail, de trouver des concepts. Puis moi, mon filon, c'est pas mal les métaphores visuelles, tu sais, c'est ma zone, en fait. Fait que j'essaie de traduire en image une chose que j'ai envie de véhiculer, puis j'essaie de trouver ce qui est plus surprenant, tu sais, pour passer mon message. Oui, ça va en fait d'éléments peut-être plus moins absurdes, si on peut dire, comme par exemple une page où tu dis « Attendez-vous que les autres comblent vos besoins, finalement c'est un chien avec une laisse, on attend, l'image est forte et claire, en fait on attend qu'on s'occupe de nous ». D'autres fois, on s'en va plus vers l'absurde, dans une page où on met « Croire qu'on a la capacité de s'améliorer », et c'est dans le fond un taureau en train de boire une tasse de thé, en train d'essayer de boire une tasse de thé. Ouais. Et là, on se dit par quel processus il en est arrivé là, donc c'est le spectre est assez large, en fait, d'images plus sérieuses à des trucs plus absurdes aussi. Là. Oui, oui, oui. Puis là, disons pour ce livre-là, j'avais un levier de création en me mettant la contrainte de travailler avec des animaux. C'est comme si ça me concentrait encore plus ma zone de recherche de concepts. Fait que c'est sûr que ça, en quelque part, ça définit bien le terrain de jeu. Là. Et est-ce qu'on réussit justement à trouver des associations images texte rapidement, ou il y a un bon jeu d'essai-erreur pour trouver la bonne image, la bonne formule, celle qui va bien accompagner le propos qu'on veut mettre de l'avant? Ouais. Des fois c'est l'image qui vient en premier, hein. J'ai pas un texte écrit puis après ça je colle des images dessus. Fait que ma méthode de travail pour ça, disons, ça me simplifie un peu la tâche, parce que si j'avais un texte à juste transposer en image, ça pourrait devenir assez lourd, là, assez difficile. Mais des fois, c'est carrément l'image qui me vient en premier. Dans ce cas-là, tu sais, j'ai vraiment brainstormé à partir des animaux. Fait que, tu sais, j'ai passé le zoo au complet dans ma tête, puis j'ai cherché, tu sais, qu'est-ce que je pouvais faire avec les animaux, avec tout ce qui a rapport aux animaux. Fait que, oui, parce qu'en dehors du paresseux de la couverture, il n'y a pas de répétition non plus du règne animalier, on fait le tour, là. Oui. Et dans le ton aussi, Catherine Lepage, on y voit quand même une certaine variété, dans le fond, une première partie qui est plus confrontante, en fait, donc qui présente un peu de la réalité qu'on va dénoncer. Après ça, à un moment donné, on va tomber plus dans des phrases plus de type proverbe un peu, dans une section quiz, dans une section quoi faire pour changer. Donc, on change aussi le ton, le rythme un peu des différentes sections, des chapitres. Oui, j'aime ça que ça se lise Bon, en même temps, des fois, les liens sont pas faciles à établir, mais j'aime quand même que ça se lise avec un... Il y a un début, une fin, il y a un ordre logique à tout ça, même si c'est quasiment des pensées autonomes sur chaque double page. Mais ils sont quand même dans un ordre... je les ai regroupés comme ça un peu par thème, si je peux dire, ou par... bon, il y a des chapitres qui sont comme un peu plus dramatiques, puis d'autres qui sont plus légers. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une espèce de... qu'il y ait un rythme, en fait, pour le lecteur. C'est que des fois, tu passes quelques pages qui sont plus dramatiques, puis là, pouf, je désamorce ça avec un quiz, justement. C'est comme un souci de rythme. Oui, puis en même temps, j'imagine que, bon, dans la section quiz, par exemple, le lecteur est engagé différemment des autres sections. Il y a un côté peut-être un peu plus participatif, donc encore là, on joue un peu avec la relation au lecteur versus la page. Oui, oui. Ben, ceci dit, le quiz, pour moi, c'est vraiment une... Là, ça, c'est vraiment de la dérision, là, mm-hmm. Justement, c'est des livres de Tico Pop, puis je m'attends pas à ce que les gens cochent les cases, mais je serais curieuse de savoir si les gens le font, mais moi, dans ma tête, quand je l'ai fait, je pensais vraiment pas que les gens allaient le faire. Et dans tout ça, en fait, il y a un souci de concision aussi. Je parlais de sens de la formule au niveau de l'image, c'est la même chose au niveau du texte. Vous ne permettez pas beaucoup de mots, c'est précis. Donc, est-ce qu'il y a un travail aussi d'en arriver à épurer l'excès, si on peut dire, de termes, puis à faire aussi que les termes qu'on choisit vont devoir coexister et devenir presque, dans le fond... disons, irremplaçable avec l'image, dans le fond, qu'on pourra pas les dissocier l'un avec l'autre non plus. Oui, oui. Ben, en fait, tu sais, moi, je suis d'abord et avant tout illustratrice, là, tu sais, je fais des images. Mais si j'arrivais à tout dire en images, j'en mettrais peut-être même pas des mots. Pour moi, les mots viennent vraiment compléter l'image et non l'inverse. Mm-hmm. Tu sais, les mots, fait, pour ça que j'en mets le moins possible, je mets juste qui est nécessaire à faire comprendre ce que je veux dire. Puis, c'est un exercice, encore une fois, qui est assez publicitaire, là, de rédaction plus punchée, puis le plus simple possible. Donc, c'est l'image qui doit être le plus clair possible, d'une certaine façon, pour faire passer le message. Et ouais. le mot vient compléter ou orienter le sens pour s'assurer que le lecteur comprend bien le message qu'on veut passer. Oui, oui. Et qu'est-ce qui, dans cette formule-là, est-ce qu'on parle beaucoup de l'a priori publicitaire, est-ce que c'est un peu justement cet élément de parcours-là et le plaisir, le défi aussi d'illustrer qui t'amène à être vraiment approprié au fil de tes trois ouvrages, cette formule-là, si on peut dire? Ben, pour moi, c'est un plaisir. C'est là que j'ai du plaisir créativement, c'est chercher des idées, trouver des concepts. C'est vraiment... disons que c'est pour mon plaisir personnel que je le fais, puis je vois aussi que les gens sont réceptifs à ça, puis je pense que le code, justement, le langage publicitaire, les gens sont habitués, sont tellement exposés à ça qu'ils décodent. Fait que je pense que peut-être les gens apprécient de voir... peut-être qu'ils sont pas conscients que j'utilise les mêmes codes, mais probablement qu'ils comprennent bien mes livres parce sont nourris de publicité. Puis je trouve ça le fun d'utiliser cette gymnastique-là à d'autres services que des entreprises qui veulent vendre mes produits. Évidemment, on peut découvrir tout ça. Donc, dans ce zoothérapie, Catherine Lepage, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Voilà, c'était Catherine Lepage, donc auteure, dessinatrice de ce zoothérapie. Je rappelle que c'est un ouvrage qui est disponible du côté des éditions Somme Toute. Et je vous rappelle que c'est toujours des extraits de Alt Wave et leur trame sonore Minimized qui nous accompagne au fil de l'édition de cette semaine de la vie en BD. Je me permets quelques minutes pour faire des commentaires sur quelques lectures, et dans ce cas-ci, c'est pas des lectures récentes du tout. Je suis même en mode rattrapage éloigné, si on peut dire, mais je désirais vous en parler, parce que parfois, on en échappe un peu, et ces deux ouvrages qui m'avaient été envoyés par la gang de Francfroid, et que je souhaitais vous entretenir de, alors avec une syntaxe, ma foi, fort approximative. Alors, premièrement, petit clin d'œil rapide à Réservoir, en fait. Francfroid nous a habitués à des collectifs, en fait, notamment leur collectif Le Front, qui tiennent depuis bientôt 10 ans, ou presque, en fait, qui est un peu le cœur des premières années de ce groupe-là. Et le printemps dernier, en fait, ils sont arrivés avec Réservoir Cyberpunk. Alors, c'est un nouveau collectif, mais simplement 4 histoires, peut-être un peu plus longues que celles qu'on retrouve dans Le Front, puisqu'il y en a quand même un peu plus dans les collectifs Le Front. Mais surtout, j'ai trouvé intéressant vraiment un récit et une thématique beaucoup plus orientée, beaucoup plus forte. Je me rappelais qu'on jasait de temps à autre avec justement la gang de Francfroid autour des sorties du front, et on disait souvent la thématique, le lien, on va le trouver peut-être plutôt après, parce que l'objectif, c'est pas dans Le Front de mettre de l'avant une thématique, mais c'est de mettre de l'avant des auteurs relève, émergents, connus, moins connus. Dans le cas de Réservoir, il y a encore, on sent cette volonté-là, évidemment, de nous faire lire des gens qu'on n'a pas nécessairement eu tant d'occasions de lire que ça en format papier, mais vraiment avec aussi un côté très fort au niveau thématique. Et donc, ça donne une belle valeur, je pense, une belle valeur additionnelle, si on peut dire, à ce collectif-là. Donc, on parle de 96 pages, des histoires de 24 pages, un récit qui est quand même assez réduit, mais les créateurs de ces histoires-là, donc Franck Perrin, Benoît Vézina, Catherine Moutier, Sacha Revanda et M, réussissent à s'en tirer. C'est des récits, en fait, qui sont tous solides. En fait, j'ai pas de coup de cœur particulier pour un des quatre, mais les quatre m'ont tous laissé une belle impression au fil de la lecture. On parle de relations sociales, on parle de récits peut-être parfois plus humoristiques, d'autres moins, des grandes thématiques, des remises en question. Donc, on exploite quand même de manière assez agréable ce côté cyberpunk-là, et en même temps avec un graphisme qui est varié, mais qui est quand même aussi bien coloré. Alors, si vous avez envie de lire un collectif, ça peut être une belle occasion si vous aviez échappé celui-là, là, au fil des différentes publications. Sinon, autre clin d'œil sur une publication de Francfroid en mode rattrapage. Celui-là, on en avait parlé, mais lors de la première publication, donc c'est La Ligne Rouge, ça avait été publié initialement du côté du journal Métro à Montréal, et par après, donc l'équipe de Francfroid a décidé de le publier en format album, format atypique d'ailleurs, assez large, et donc on retrouve l'intégrale de cette histoire abracadabrante là, qui a été créée à 5 mains, vraiment la façon atelier à l'américaine. C'est un peu l'objectif de l'exercice au départ. Je me rappelle qu'on avait jasé avec Julien Paris-Sorel, l'un des auteurs de ça, donc vraiment scénario, dessin, ancrage, couleur, donc vraiment un travail à la chaîne, très organique. Évidemment, c'est des gens qui sont habitués de travailler ensemble, et on le sent quand même assez bien derrière, dans l'unité qui ressort un peu de tout ça. J'en dirai pas trop sur le récit, parce qu'à un moment donné, ça part dans plusieurs directions, et c'est là le plaisir, en fait, d'un récit comme ça, qui est écrit à la manière d'un feuilleton. Donc, régulièrement, il y avait des planches de ça qui suivaient dans le journal, et on fallait attendre le journal suivant pour découvrir le reste. Alors, d'une page à l'autre, on est entraîné, il y a quelque chose d'assez rythmé, très dynamique qui en ressort, et évidemment, de trop en révéler, on perd une partie du plaisir de ce suspense-là, qui est certes beaucoup plus bref en format album qu'en format journal, on s'entend. Essentiellement, donc, le point de départ, donc, on parlait du journal Métro Montréal. Alors, ça se passe dans le métro de Montréal. À un moment donné, donc, il y a une jeune fille et son très jeune frère qui se retrouve inopinément dans une zone secrète du métro de Montréal, donc la ligne rouge. On sait pas trop qu'est-ce que c'est, où ça mène. La dame est accompagnée par un garçon. Le jeune frère, lui, est accompagné par son toutou singe, et un toutou singe qui, arrivé dans la ligne rouge, devient un vrai singe, un vrai gorille, qui aide évidemment son ami. Alors pourquoi le singe est vivant? C'est quoi la ligne rouge? Où ça va? Il y a des mystères qui s'accumulent tranquillement. Les auteurs réussissent au fil de l'album à nous donner les réponses. Donc, il n'y a pas d'éléments qu'on lance en l'air et pour lequel il n'y a pas de récompense, si on peut dire, pour le lecteur, dans la mesure où les réponses ne seraient pas données. Donc non, c'est donné là-dessus. Ça fonctionne bien. Un récit sympathique, donc je disais rapide. C'est coloré, c'est souriant, c'est joyeux. C'est fluide et dans le fond c'est vraiment, je suis tombé je pense sur une critique à un moment donné où il parlait de boîte à surprise dans la manière dont on arrive à révéler différentes sections. Je trouvais que le terme était juste parce que vraiment en fait on ne soupçonne pas où ça va s'en aller, on est surpris au fil du récit. Alors ça marche bien, c'est très léger, c'est quelque chose qui marche, en fait, tout simplement. Alors, si vous avez envie de quelque chose qui fait sourire, qui est léger, qui est rythmé, ben peut-être jeter un coup d'œil en mode rattrapage, vous aussi, sur ce récit, donc, de l'équipe de Front Froid. On entame la deuxième moitié de La Vie en BD ici au 89.1 CKRL. Toujours un peu en mode rattrapage, je le redis, au fil de l'émission, et c'est vrai. On retourne maintenant à l'automne dernier, donc des albums dont je souhaitais vous parler. Donc l'un de ceux-ci donc s'appelle Les Trois Carrés de Chocolat. C'est de Mélodie Vachon-Boucher. C'est chez Mécanique Générale. L'auteur est avec nous au bout du fil. Mélodie Vachon-Boucher, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, premièrement, on parle d'une histoire qui est au départ dure. Dans le fond, c'est l'histoire de trois viols, de tes trois viols. Est-ce que c'est une histoire que tu avais prévu écrire ou est-ce que c'est une histoire qui s'est imposée à toi à un moment donné par le moment où on s'est dit « Ok, c'est bon, maintenant je me sens apte à raconter ce récit-là » En fait, je savais que je voulais aborder ce thème-là. Je savais pas quand ni comment, donc j'ai vraiment attendu d'avoir le parce que je voulais le bon ton, puis c'était important pour moi d'en parler avec une voix vraiment personnelle, puis peut-être différente aussi de ce qu'on entend là-dessus comme témoignage par rapport à ça. Fait que oui, c'est dans ma liste, mais je pensais pas que ça serait mon premier livre. Et c'est venu, en fait, j'ai tombé sur une entrevue où tu étais essentiellement en retraite silencieuse, et à un moment donné, de par le silence, au fil des jours, ben, tu as réussi à trouver justement ce bon ton-là. Ben c'est ça, j'allais travailler sur complètement autre chose, puis d'habitude, quand, parce que c'est devenu une habitude, là, je pense que c'est la troisième fois que j'y vais. J'y vais pour 5-6 jours à la fois. Puis fait qu'au bout de 3-4 jours, ben j'avais travaillé sur ce que j'avais à faire. Fait que je me suis dit ok, je vais l'essayer, puis ben c'est venu. C'est vrai que cette ambiance-là, cet environnement-là de silence, c'est pour moi en tout cas, je sais qu'il y en a, que ça rendrait fou. Mais moi, c'est vraiment bénéfique là. Pour moi, je me retrouve, j'ai vraiment le temps de me poser, de m'asseoir dans ma tête, j'ai l'impression. C'est que pour moi, ça fonctionne bien. Et dans un texte que t'as publié, ben, en fait, qui a été publié sur le web et que t'as lu après la publication de Trois Carrés de Chocolat, t'avais mentionné que un de tes défis dans l'écriture de ça, ça avait été de prendre pour toi, d'arrêter de trouver des excuses à tes agresseurs. Vraiment, en fait, je sais pas si c'est là-dedans que je le dis, mais en tout cas, quand j'ai commencé, oui, c'est dans ce texte-là, quand j'ai commencé à l'écrire, au premier jet, je me suis sentie vraiment super mal, puis je me suis sentie vraiment comme pleine de honte, puis ça m'a frappée, puis ça m'a attristée de voir à quel point j'avais encore ces sentiments-là après autant de temps. Puis là, je me suis dit, non, je vais l'écrire, mais d'une façon, c'est important que je l'écrive d'une façon que j'ai pas honte, que j'ai pas mal. Je voulais l'écrire d'une façon vraiment plus libérée, parce que je voulais pas que ce soit un règlement de compte, je voulais pas que ce soit... je vais vraiment en parler de façon posée. Mm-hmm. Je trouvais ça plus constructif que de... C'est pas pour diminuer non plus les témoignages qui sont moins contenus, moins pacifiques par rapport à ça, parce que je comprends absolument, là, c'est tellement sujet difficile qu'on en parle comme on peut, mais pour moi, c'était vraiment important de me rendre compte que c'est ce que le livre, en fait, la publication du livre m'a fait, c'est que j'ai eu beaucoup de soulagement à voir, à me rendre compte, en fait, que ce qui restait en moi de ça, c'était de la douceur. Parce que je veux pas de colère, je veux pas de honte, je veux pas de... Non, fait que, ouais, je me suis choisie. Je voulais pas... c'est pour ça que le texte est assez... ça va droit au but, il n'y a pas trop de détails, parce que souvent c'est dans les détails qu'on excuse les agresseurs ou qu'on victimise, qu'on met la faute sur les victimes. Donc je me suis délestée de ça pour aller vraiment plutôt vers le personnel, le ressenti, l'humain là-dedans. Oui, mais dans le fond, d'évacuer complètement, dans le fond, l'agresseur est là, il existe, mais dans le fond, c'est pas lui le sujet, c'est toi, dans le fond, et c'est la façon dont tu as vécu ça, mais aussi la façon, parce qu'il y a un côté, c'est le terme résilience qui me vient beaucoup en tête, en fait, c'est une histoire de résilience, c'est un témoignage de résilience, Trois morceaux de chocolat. Oui, vraiment, c'était vraiment ça que je voulais. Puis aussi, je pense que c'est un dialogue... je pense que ça va être pour que ça s'améliore, cette réalité sociale là, je pense que il faut que ça se fasse dans la communication, dans la douceur, dans le respect. Puis c'est pour ça que pour moi c'est important d'écrire quelque chose qui allait résonner autant. Puis je pense que ça fonctionne, parce que ce que j'en entends, c'est que ben pour une fois, c'est pas un discours qui pointe le doigt vers les hommes en disant vous êtes toutes des ci puis des ça, puis tant mieux. C'est vraiment ça que je voulais faire. C'était pas c'est ça. Oui, mais en même temps, j'ai comme toujours l'impression, en fait, on sait ce que, pour l'agresseur, en fait, on sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, c'est comme de juste pas agresser. C'est, oui. La solution est plus simple, mais pour quelqu'un qui a vécu une situation comme ça, la solution est vraiment pas simple, parce que, et on le sent dans ton livre, en fait, un côté, à un moment donné, en fait, tu le dis, la tête et le corps sont déconnectés complètement, et le défi devient à un moment donné, les reconnecter, de réussir à se refaire confiance d'une certaine façon aussi. Ça va loin dans la déconstruction et la reconstruction. Ben oui, c'est vraiment abyssal, en fait, la détresse, puis l'état d'esprit dans lequel ça laisse les victimes, c'est abyssal. Puis oui, je pense pas qu'on s'en remet complètement de ça, mais encore une fois, je pense tellement que puis j'en parle aussi là dans le livre, il y a eu des personnes qui sont passées après ces agresseurs-là qui ont été maladroits, mais je pense qu'elle va par ça aussi, le changement de la culture par rapport à la sexualité. Je pense que les hommes et les femmes ne sont pas assez sensibilisés sur qu'est-ce que ça laisse comme trace, puis qu'est-ce qu'il faut que qu'est-ce qu'on est en droit de demander à l'autre, puis par courtoisie, puis par respect, puis par délicatesse, qu'est-ce que l'autre qu'est-ce qui est possible de faire pour l'autre, en fait, pour apaiser ça, pour aider une reconstruction. Fait que je pense que c'est à ça aussi qui sert le livre. Il sert juste à dire, ben, tu sais, puis ce qui est triste, en fait, c'est que c'est absolument banal, là, ce que je raconte dans le livre, là. C'est, je suis pas spéciale, là. C'est un cas sur plein de cas. Fait que je pense que ça peut peut-être aider à attirer un peu d'empathie, en fait, par rapport à cette réalité-là. Et tu l'as mentionné tantôt, Mélodie Vachon-Boucher, en fait, on y va avec peu de mots, c'est un style qui est direct, une simplicité. Peu de dessins aussi, en fait, quelques images, des vers, des trucs qui évoquent un peu quelques éléments du texte, les morceaux de chocolat en cours de route aussi. Mais on y va avec quelque chose qui est épuré, qui est assez court aussi. Est-ce que, bon, tu disais, au départ, si on se rallongera, on trouve des excuses, mais en même temps aussi, en allant très bref, l'emphase est entièrement sur tes mots. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté-là, en fait, d'y aller avec quelque chose qui était épuré, qui était simple, qui était précis? Ben, c'est que je voulais pas de refuge ni pour moi, ni pour... Tu sais, je vais pas passer 2 heures sur une planche, prendre ça de toute façon trop graphique. Je voulais pas que le lecteur non plus se réfugie dans quelque chose de graphique. Je voulais vraiment le laisser seul avec le récit, puis accompagner le récit d'images vraiment évocatrices, mais pas graphiques. Mm-hmm. Dans le sens de trop d'informations, mais ça a été, parce que bon, c'est pour moi, c'est une première publication. Je suis un éditeur, c'est ma première bande dessinée, puis là, ben, on peut s'assumer longtemps que c'est la bande dessinée ou pas, vu que c'est simple de même, mais il a fallu vraiment que je me parle aussi parce que le désir de flasher plus que ça, mes qualités, mes capacités de dessin, puis de c'était là, tu sais, il a fallu que je fasse taire mon ego puis je dise, mais tu montreras que tu sais dessiner une autre fois. Là, c'est pas ça que tu fais. Ce récit-là, on n'a pas besoin. Fait qu'il y a eu... puis c'est, je trouve ça drôle aussi, dans la construction d'un récit comme ça, comment il a fallu que je lutte contre mon désir de plaire, tu sais, puis d'essayer de donner... comme la tentation de donner ce que je pensais qu'on attendait de moi, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve qu'il y a une espèce de mise en abîme là, du sujet, mais je suis vraiment contente d'avoir fait simple comme ça. Puis, ben, j'ai 2 autres bouquins qui sont en route pour 2017 avec Mécanique Générale. Fait, là, je vais montrer plein comment je peux dessiner autrement que des vers. Là. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que la simplicité de A, ben, c'est ce qui fait la force de cet ouvrage-là. Puis de B, ça prend aussi un certain courage comme dessinateur, dessinatrice, de choisir de s'effacer complètement derrière son sujet aussi. Parce que c'est un peu ce que tu fais, c'est tu deviens ton sujet, le livre devient ces mots-là et c'est tout finalement. C'est ce qui... vraiment. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que bon, j'ai fait mes études, c'est en design, puis j'ai vraiment beaucoup réfléchi à l'objet, au médium, à la façon de communiquer les choses. Fait que pour moi, ça faisait vraiment du sens de le faire comme ça, je suis contente parce que ce livre-là, j'aurais pas voulu l'avoir fait d'une autre façon. D'habitude, je suis rarement satisfaite complète de ce que je fais, mais là, je le trouve juste. Fait que c'est peut-être ça aussi qui m'amène une espèce de paix là, par rapport à ça. C'est que puis le risque, t'as raison dans le sens où le risque, il est assez grand comme auteur, comme illustrateur, parce que c'est un premier ouvrage. Puis là, mais c'est comme si je m'étais montrée toute nue, pas de maquillage, pas rien, juste moi. Puis ben, j'ai eu un grand accueil, un bel accueil, fait que je suis vraiment excitée. Là. Et dans tout ça aussi, j'ai l'impression que quand on utilise peu de mots, il faut choisir les bons. On a dit tantôt que c'est une préoccupation, mais en même temps, bon, il y en a quand même pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on se casse à maner la tête en disant, ben tel mot, parce que si on a 5-10 mots, ben chaque mot a un poids, la virgule a un poids qui est encore plus grand que dans une avalanche de termes. Là. Pas vraiment, mais en même temps, c'est ça, ce livre-là, je l'ai écrit en un jour. Le lendemain, je l'ai récité parce que je l'avais fait à l'encre, puis ça me plaisait pas, puis je l'ai récité au plomb. Puis quand je l'ai montré à Renaud, le directeur de chez Mécanique Générale, ben on a changé des trucs là, mais c'est vraiment, est-ce que cette virgule là, elle est à la bonne place? Puis même quand le correcteur est passé, ah tel mot plutôt que l'autre, puis c'était vraiment, vu qu'il y avait pas grand chose dans le livre, puis Renaud l'a compris vraiment bien aussi. Il était fragile l'équilibre. Mm-hmm. C'est le genre de livre qui fonctionne. On sait pas trop comment. Puis si on tire sur un fil, on risque que ça tombe tout à terre. Fait que j'étais vraiment ravie de travailler avec quelqu'un qui a eu l'intelligence de préserver le récit comme il était, puis de juste vraiment aller faire là, les modifications vitales pour renforcer le truc, mais pas pour le modifier ou le. Et... Donc, Et de ton côté, en fait, donc, il y a eu le côté un peu thérapeutique, le désir de livrer cette pensée-là, ce témoignage sur la page. Qu'est-ce qui a amené ensuite, en fait, justement, une fois que ça a été fait dans la retraite silencieuse, de dire, OK, on va aller voir Renaud Blais chez Mécanique Générale, on va l'offrir, et de choisir, dans le fond aussi, d'offrir ce témoignage-là à tous et toutes, là, finalement? Ben, en fait, moi, avant ça, parce que j'ai commencé, ça vient à peine de faire un an, là, puis j'ai commencé de faire la bande dessinée, puis j'ai commencé comme plein d'autres auteurs aux côtés de Denis Beaulieu dans ses ateliers. Puis j'ai continué après les ateliers de lui envoyer mes récits, puis en fait, j'allais là-bas pour continuer mes zines, parce que j'avais fait 4 zines avant cette histoire-là. Fait que quand je suis revenue de retraite, je l'ai envoyé à Jimmy, puis là, je lui dis, c'est trop intense, hein, ça. Il dit, ben, parce que c'est pas un zine, c'est un livre. Fait que là, envoie-le à Renaud, parce qu'il me l'avait présenté déjà au Salon du Livre de Québec l'année d'avant. Fait que, ben, la même année, c'est l'année passée. Fait que j'ai envoyé, puis ça a cliqué tout de suite, là. Il a vraiment embarqué tout de suite. Fait que, puis je trouvais ça beau aussi que ce soit deux hommes, en fait, qui m'amènent jusqu'à la tablette. Je trouvais ça joli qu'ils reconnaissent la nécessité de ce livre-là, puis la fragilité de ce récit-là qui fait que oui, c'était thérapeutique dans le sens où j'étais contente de me faire dire que c'était correct finalement de puis non seulement c'était correct, mais c'était publiable, tu sais. Fait que je trouvais que... Et on le dit, en fait, puisque t'as sûrement l'humilité de ne pas le mentionner, mais c'est plus que publiable, c'est aussi très lisable. Et ben, en fait, je pense que, en fait, j'incite les gens qui nous écoutent à y jeter un coup d'œil en librairie et à découvrir ce petit ouvrage que tu nous proposes, en attendant de voir les autres aussi dont tu nous parlais. Et donc, on aura sûrement l'occasion de se reparler d'ici là. Mélodie Vachon-Boucher, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, je rappelle, donc, elle nous a offert, Mélodie Vachon-Boucher, ses 3 carrés de chocolat. C'est chez Mécanique Générale. Dernière ligne droite de la vie en BD, dernière 10 minutes de l'émission, et ben, on les fait en joyeuse compagnie puisqu'on est avec l'un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne de chez Pantoute. Bonjour. Salut Raymond. Et Marco, cette semaine, en fait, tu nous amènes avec vers quelques suggestions BD, notamment les deux premières. J'ai l'impression que c'est un peu des guides, des ouvrages qui nous permettent de découvrir d'autres pans de la bande dessinée, notamment le premier, Les 100 plus belles planches de BD. Oui, effectivement. Après ce tournoiement de nouveautés de méga titres d'avant les fêtes, après en revenant des congés des fêtes, est arrivé des titres fort intéressants pour comprendre, pour penser la BD encore plus, pour réfléchir sur son état de qu'est-ce que peut être la BD. Et ce premier titre, Les 100 plus belles planches de la bande dessinée, est produit par Beaux-Arts Éditions. Ce Beaux-Arts Éditions qui fait référence surtout à un magazine français qui s'appelle Beaux-Arts Magazine, qui publiait des trucs sur l'art. Alors, elles ont confié, cette maison d'édition a confié à Vincent Bernière, que je ne connaissais pas, de ramasser et de nous montrer les 100 plus belles planches de la bande dessinée. Là, ici, c'est ce genre de liste-là, comme on sait, peut être suggestive. Pour un, ça peut être beau et l'autre. Mais je crois que le titre est plus accrocheur pour le grand public. Mais en fait, c'est les 100 planches qui ont marqué la bande dessinée. Ça pourrait être, à la limite, un ouvrage joli, qui nous montre de jolies planches. Mais ici, dans l'intro, la préface que nous fait Vincent Bernière, il nous raconte vraiment pourquoi il a extrait ces planches-là. Pourquoi, dans un marché européen où les planches originales font fureur et se vendent à des prix extraordinaires, mais pourquoi il a pris des planches, des BD, les a extraites de l'histoire et nous montre et il nous dit pourquoi elles sont de belles planches, pourquoi elles sont essentielles à la BD. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a un côté pédagogique, en fait, qui, comme lecteur, nous permet d'apprendre puis d'observer différemment ou de prendre le temps d'observer un peu plus une planche hors de son contexte d'album. Oui, et ce que j'ai aimé de l'ouvrage, c'est que non seulement on a une magnifique planche, elle nous est montrée grandeur assez grand nature, mais en plus, elle est accompagnée d'un commentaire et qui justifie. Et c'est ça qui est important dans les listes que nous on fait, les 50 meilleures BD, les 100 meilleures BD, les 100 plus belles planches, elles sont justifiées par un commentaire, une petite analyse qui va chercher les éléments importants pourquoi et qui fait référence toujours avec la BD, l'histoire, la théorie et sur la narration aussi. Alors, ils vont chercher des trucs historiques qui ont rapport avec cette planche-là, quelles ont été les influences de l'auteur pour, je pense à exemple, une des planches d'Achille Talon. Achille Talon s'est inspiré d'un personnage de Saint-Onguent dans Zégépus. Donc, on nous montre, et on va chercher parfois des photos d'architecture, des photos de tableaux d'art qui ont influencé. Donc, on nous justifie le fait qu'on ait choisi cette planche-là comme étant une des 100 plus belles planches. C'est un ouvrage, semble-t-il qu'il y a eu des mauvaises critiques en Europe, mais moi, à le parcourir et à lire, j'ai surtout lu sur les planches que moi je connais et qui étaient justifiées. Et le plus beau de l'histoire, c'est quand j'ai regardé et lu sur certaines planches de certains auteurs dont moi m'intéresse moins. Eh bien, j'ai changé d'idée sur ces auteurs-là en voyant les planches et les commentaires et ils ont aiguisé ma vision sur certaines choses. Ils ont pointé ma vision sur certaines choses qui ont fait que j'ai changé d'idée et que j'ai trouvé qu'ils avaient fait un excellent choix. Deuxième titre que tu nous proposes cette semaine, et là, on tombe dans un autre domaine, celui des super-héros. C'est les super-héros pour les nuls. Ben oui, c'était très drôle quand j'ai vu le livre. Évidemment, on est dans le temps, l'âge d'or du super-héros, c'est-à-dire du comic book adapté au cinéma, a fait en sorte que les super-héros sont devenus, c'est devenu super populaire et que tout le monde maintenant a accès à ces super-héros-là. Alors, pour les nuls, c'était rigolo, mais écoute, ce livre de cette collection-là a été confié à un certain Éric Delbecq, et ce Éric Delbecq est un grand spécialiste. Il ne fait pas juste... L'ouvrage est décortiqué et en 5 chapitres importants où on y fait l'histoire du super-héros, oui, d'accord, où on nous raconte les plus importants, oui, ok, on fait l'histoire de ces super-héros-là, mais il y a aussi tous ces chapitres qui tiennent compte de l'histoire de la BD, qui tiennent compte de l'histoire sociologique, de l'histoire... Écoute, c'est un ouvrage massif sur comment comprendre les super-héros. Et on y décrit des... on y fait l'analyse des personnages, on y fait l'analyse de chaque caractère vraiment en profondeur. C'est un ouvrage hyper... Moi qui s'y connaissais beaucoup, j'ai trouvé que c'était un ouvrage hyper intéressant. Et l'ouvrage peut s'ouvrir d'un bout à l'autre de la couverture, mais on peut y aller avec en y allant dans les chapitres qui nous intéressent le plus. Bref, pour mieux comprendre et saisir pourquoi c'est aussi populaire maintenant les super-héros, eh bien, je pense que c'est l'ouvrage qu'il faut lire. Ah, intéressant, parce que des fois, on peut avoir un a priori négatif envers des séries comme Pour les nuls, en se disant, bah, fini. Mais finalement, quand la recherche est bonne, quand la structure est bonne, Je pense que, ceci étant dit, ce pour les nuls super-héros, il y a eu, avant les fêtes, la bande dessinée pour les nuls. Et lui aussi, cet ouvrage-là, je me rappelle plus de l'auteur qui l'avait fait, mais je l'avais regardé et je m'étais dit, waouh, quel excellent ouvrage qui racontait qu'est-ce que c'était de la BD, mais vraiment en profondeur et vraiment avec une bonne analyse. Donc, si on a des préjugés sur cette collection-là, ben pour les deux titres en BD, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment des ouvrages fort intéressants où on apprend de grandes choses. Et Marco Duchesne, il nous reste un petit 2 minutes à peu près. Là, j'aimerais que tu nous parles peut-être un peu du dernier Herman, Le Passeur. Oui, je pense que c'est de notoriété publique maintenant que je suis un des plus grands fans du Québec de Herman, sinon le plus grand fan. Vient de paraître chez Air Libre son tout dernier, toujours aidé de son fils Yves Huppmann au scénario. Le Passeur, encore une histoire sombre, une histoire noire. On se rappelle du dernier qui était paru chez Lombard, qui était un western qui s'appelait Sans Pardon. Mm-hmm. Ici, on a le droit à une histoire peut-être post-apocalyptique, peu importe, le temps n'est pas vraiment ciblé. On est juste dans une ville abandonnée où un couple essaie de passer. Ils veulent passer et ils ont à passer une frontière, peu importe quelle frontière. Et derrière cette frontière-là, le bonheur les attend, le paradise, cette brochure qui nous qui leur annonce une vie paisible et plein de bonheur et plein de richesses. Alors, ce couple-là essaie de passer, mais ils vont sombrer dans... ils vont vraiment avoir affaire à de graves épreuves. Et je te dirais que si au début, on a le droit à une histoire où il y a une quête du bonheur et des étapes, des épreuves à passer, à la toute fin, c'est vraiment une rédemption pour ce couple-là, pour un des deux en tout cas, une rédemption après toutes les épreuves. C'est aussi une fable sur vraiment cette quête du bonheur, où elle nous mène et quel est le prix qui est à payer pour aboutir à ce bonheur-là. C'est un Herman, et surtout c'est un Herman qui raconte encore, qui maîtrise encore la façon de raconter en bande dessinée, des scènes d'action où on se croirait au cinéma tellement on entend les balles siffler, et avec aussi des moments, une charge émotionnelle aussi entre les personnages, des discussions, certaines discussions. Écoute, moi, je sais, je peux pas être objectif. J'aime Herman, mais c'est quand même un de ses meilleurs. Alors, en fait, c'est pas rien, là. C'est surtout venant de toi de dire, bon, OK, t'en as lu beaucoup de Herman. Ouais. De dire, OK, celui-là, si vous connaissez pas, si vous appréciez un peu, ben, ça vaut la peine. Oui. Alors, ben, Marco Duchesne, merci beaucoup. Hey, ça me fait plaisir. On se dit à très bientôt. OK. Salut. Salut bien. Alors, je rappelle Marco Duchesne, qui est libraire du côté de chez Pantoute. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on va parler du projet Tout Garni de la Pastèque avec Pascal Girard. On aura également, entre autres, Catherine Lemieux, Anthony Charbonneau-Grenier qui vont être avec nous pour parler des 24 heures de la BD à Québec et plus. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.